Monte à bord du navire, on va te faire oublier. Tu peux vite réussir et vite te faire oublier. Et tu connais de la merde, H24, on y est. On a connu la misère, au bitume, on est lié. Monte à bord du navire, on va te faire oublier. Tu peux vite réussir et vite te faire oublier. Et tu connais de la merde, H24, on y est. On a connu la misère, au bitume, on est lié. Ils demandent comment on fait. On dénique les imposteurs, on te l'avait annoncé. N'oublie pas ta fierté. Même si c'est dur, quoi qu'il arrive, faut jamais renoncer. Préfère te jalouser. Plutôt que devenir un aide, faut tous les partouser. Qui on est, pour toi rien à foutre la concurrence, on leur y on est. Ramène n'importe quelle prod, je vais la violer. Toujours fidèle, je changerai pas même pour des violets. Y'a plus de rap, c'est devenu de la variété. J'ai toujours assumé mes choix, pourtant j'ai pas regretté. Vas-y, j'y dire avant la prod qui t'a dit d'arrêter. Promis, j'essaie de dire les choses sans vulgarité. Parfois, tu crois savoir en réalité. T'es dans la vérité, rien ne sert de se faire à l'idée. Je me suis fait seul, personne ne m'a validé. Beaucoup se prennent pour des Napolitains. Hein, l'argent n'a pas d'identité, alors on le prend à l'affût, on en farit un. Hein, y'en a pour tout le monde si tu sais où le trouver. Pour que je te fasse confiance, il te reste à prouver. Comment qu'on changerait les choses seulement si on pouvait. Viens voir, on va te planer avec du calm et music. Pas de bon shit que de tu batulais. On va te faire bouger, laissez-nous faire la musique. On va t'emmerder jusqu'à la matinée. Viens voir, on va te planer avec du calm et music. Pas de bon shit que de tu batulais. On va te faire bouger, laissez-nous faire la musique. On va t'emmerder jusqu'à la matinée. On t'aborde du navire, on va te faire oublier. Tu peux vite réussir et vite te faire oublier. Et tu connais de la merde, H24, on y est. On a connu la misère, au vie, tu m'en es lié. On t'aborde du navire, on va te faire oublier. Tu peux vite réussir et vite te faire oublier. Et tu connais de la merde, H24, on y est. On a connu la misère, au vie, tu m'en es lié. Ça vient avec du calme et music. Pas de bon chic et de tu batulais. On va te faire bouger, laissez-nous faire la musique. On va t'emmercer jusqu'à la matinée. Viens voir, on va te faire planer avec du calme et music. Pas de bon chic et de tu batulais. On va te faire bouger, laissez-nous faire la musique. On va t'emmercer jusqu'à la matinée. On en veut toujours plus, jamais rassasié. On a commis des péchés, RDV dans le brasier. La réussite se cache derrière un long trajet. Beaucoup ont coulé, on cherche encore des naufragés. Ça fait pousser la drogue dans le potager. Comme une épidémie, elle fait que se propager. Pourtant je sais à rien, t'es comme une caisse gagée. Si tu t'es assagi, ce que t'es trop âgé. C'est pour nous soulager, qu'on consomme tous les jours. Condamné à perpétuité, on compte plus les jours. Si t'y arrives jamais, c'est que t'es pas fait pour. On a qu'un seul objectif, c'est de ramasser pour partir loin, on en a marre des tours. On veut oublier le cinéma, inhaler de l'air frais. Entre le bien et le mal, on fait des allers-retours. Confiance à n'importe qui, même s'il a l'air vrai. Je voulais, je suis énervé. J'ai le sein du riff, poteau qui coule dans les veines. Parfois, faut savoir se dénerver. Savoir prendre des risques, si ça vaut la peine, ne reviens pas si t'as merdé. Petit fils de, t'es passé premier sur la liste. Même tu parles comme un journaliste. Viens voir, on va te faire planer avec du calme et music. Pas de bon shit que de tu batulais. On va te faire bouger, laissez-nous faire la musique. On va t'ambiancer jusqu'à la matinée. Viens voir, on va te faire planer avec du calme et music. Pas de bon shit que de tu batulais. On va te faire bouger, laissez-nous faire la musique. On va t'ambiancer jusqu'à la matinée. On t'aborde du navire, on va te faire oublier. Tu peux vite réussir et vite te faire oublier. Et tu connais de la merde, H24, on y est. On a connu la misère, au bitume, on est lié. On t'aborde du navire, on va te faire oublier. Tu peux vite réussir et vite te faire oublier. Et tu connais de la merde, H24, on y est. On a connu la misère, au bitume, on est lié. Planer avec du calme et music. Pas de bon shit que de tu batulais. On va te faire bouger, laissez-nous faire la musique. On va t'ambiancer jusqu'à la matinée. Viens voir, on va te faire planer avec du calme et music. Pas de bon shit que de tu batulais. On va te faire bouger, laissez-nous faire la musique. On va t'ambiancer jusqu'à la matinée. On t'aborde du navire, on va te faire oublier. Tu peux vite réussir et vite te faire oublier. Et tu connais de la merde, H24, on y est. On a connu la misère, au bitume, on est.